Bon après-midi, dire bonsoir. Bon après-midi tout le monde, cette conférence du mois. Bonjour Daniel. On se touchera pas. Ben là, à moins qu'on ait des grandes épées. Justement, en parlant d'épées, c'est que ça me fait penser à du combat. Et puis présentement, ce que je peux parler pour moi, mais... que je pense que plusieurs personnes vivent, c'est un combat perpétuel avec l'astral. Dès que tu commences à avoir un peu de conscience, tu te combats. Dès que tu vois clair dans certaines choses, à un moment donné, et puis tu vois que l'astral, à un moment donné, on est conscient, du coup, on n'est plus conscient, et puis là, on est manipulé. À un moment donné, on est conscient, et puis là, on a des agressions astrales, et puis on demeure conscient pendant les agressions. On fait des niaiseries qu'on ne veut pas faire, mais les deux, la conscience est présente en même temps que l'astral est là aussi. Et bon. Puis là, ça amène okay. Un combat. Je vais réexpliquer encore des points qui vont permettre de comprendre, puis c'est des points qui sont le point, entre autres, qui est que l'homme, sa nature fondamentale, c'est il est bâti pour mourir, s'anéantir, et il est bâti pour souffrir, donc il ne fait que ça, rechercher la souffrance. Et j'en reparle encore parce qu'il va falloir que ça soit bien compris, parce que ça fait partie de probablement la dernière grande illusion humaine là, qu'on peut démolir en comprenant le principe. Tu dis la dernière grande illusion qui peut nous empêcher d'avancer, c'est ça? Oui. Ça, c'est la vision réelle et absolue de ce que c'est que l'être humain. C'est un être qui aime souffrir, qui aime la misère, qui aime la mort, et il fait tout pour aller chercher ça. Ça veut dire qu'il faut que l'humain conscientise clairement qu'il n'y a personne, qu'il n'y a aucun être humain sur la Terre, ni dans le passé, ni maintenant, qui veut le bonheur. Il n'y a personne ici qui veut le bonheur, il n'y en a pas. Il n'y a personne qui veut la paix, il n'y a personne qui est bâti pour vouloir la paix, il n'y en a pas un, pas une, il n'y a personne qui veut la paix. Et il faut absolument que ce soit clair, clair, clair, clair, clair. C'est la nature fondamentale de l'humain. C'est-à-dire que parce que ça, ce n'est pas vu clairement, toutes les structures spirituelles, psychologiques, scientifiques, morales, etc., sont basées sur l'idée fausse que l'homme veut le bien, l'homme veut le mal. C'est pour ça qu'il fait le mal. Que l'homme veut la paix, l'homme veut la guerre, l'homme veut la violence. C'est pour ça qu'il fait la guerre et la violence. L'homme, il ne veut pas la paix. Que l'homme veut souffrir. L'homme, il veut pas être bien. L'homme, il veut souffrir. C'est pour ça que l'homme, l'âme, la femme, l'enfant s'arrange pour souffrir. Et il faut comprendre que la grande, grande, grande... Quand on dit, par exemple, bon, il y a un manipulateur, l'astral. L'astral, tout ce qui doit être fait pour diriger la nature de l'homme, c'est l'astral. Le grand manipulateur de l'homme, c'est sa nature, c'est l'homme. Un moteur à combustion interne fonctionne d'une certaine façon. Il y a du feu dedans. C'est la nature du moteur à combustion interne qu'il y a d'avoir du feu dedans. Bon. Alors, il est manipulé par le pilote, par l'essence, par l'atmosphère, par etc. Mais c'est sa nature. Donc, il faut que ce soit bien, bien, bien clair qu'il n'y a personne, personne, personne, personne sur la Terre qui veut la paix, qui veut être bien, qui veut être riche, qui veut être heureux, qui veut le bonheur. Qui veut le bien des autres? Personne. Puis quand ça devient clair, on va comprendre de quelle façon on fonctionne. Puis pour que ce soit encore clair, j'en ai parlé amplement, mais j'en parle encore, il faut que ce soit très clair, il va falloir qu'on donne des exemples. Les exemples, on les prend dans la société pour commencer. Bon. Alors, si on lit les journaux, on regarde la télévision, on regarde ce qui se passe, et on se pose souvent des questions dans le genre « Mais sont bien stupides les gens qui ont décidé de telle chose. » Ils ne sont pas stupides, ils veulent de la misère. Alors, ils ont tout fait en fonction d'en avoir. Il n'y a pas un événement sur la Terre qui n'est pas orchestré de main de maître par la nature humaine. OK. Là, moi, je vais essayer de te contrecarrer parce que je suis d'accord avec toi, mais c'est pas clair. OK, exactement, mais vas-y. Bon. On prend, par exemple, là, socialement, on va prendre des politiciens qui prennent des décisions. Il arrive qu'ils prennent des décisions intelligentes, OK? Non. Il arrive qu'ils vont prendre des décisions qu'on ne critiquera pas. Ah, ça fait ça. 80% de leurs décisions. Qu'on ne critiquera pas? Oui. Ah, bien, c'est parce qu'on n'est pas au courant Non, non, mais c'est-à-dire que toi, tu peux la critiquer, mais l'autre ne la critiquera pas. Bon. Le peuple, 100% du peuple ne critique jamais en même temps les politiciens. Oui, OK, je suis d'accord. On va dire qu'il y a un consensus, par exemple, bon. Positif vis-à-vis bon. Par exemple, décision. Si un politicien prend une décision qui peut faire souffrir le peuple, il y a moins de chances que le peuple critique. OK. OK, c'est ce que tu vas... OK, c'est ben ça oui, c'est évident, ça. Oui, mais si, par exemple, on s'assoit, là, par exemple, nous autres, si... Bon, tu m'expliques tout ça, puis moi, je vais t'expliquer les lois au fur et à mesure qui vont expliquer la démarche. Parce que là, j'aimerais avoir une décision qui n'a pas... Tiens, un exemple. Quand ils ont emmené la photo sur la carte d'assurance maladie. Oui. Bon, moi, je pense que tout le monde, à part des groupes de minorités, contestait ça, mais la majorité du peuple québécois était en accord avec ça. Oui. Bon, là, toi, tu vas dire que c'est à cause que ça nous faisait souffrir d'avoir cette photo-là qu'on était d'accord avec ça. Non, pas à ce point-là. L'humain n'a pas pris là de décision intelligente, mais regarde ceci. L'humain a réagi. Là, ce qu'il faut encore que vous compreniez, ce qui n'est pas clair dans ton cas, puis ce qui n'est pas clair dans le cas probablement de personne, c'est qu'il y a toute la structure astrale, la structure vitale, la structure physique et la structure mentale qui vient. Le mental sert à protéger la nature humaine contre l'intelligence. Mental sert à ça. Okay? Protéger la nature humaine contre l'intelligence. Comment oui. dire, ton plus grand bouclier contre l'intelligence, toi, Michel Lasserre, c'est ton mental. Mais ça m'a quand même permis de passer par-dessus la spiritualité. C'est ce qu'on pense. Mais c'est ce qui t'empêche le plus d'être intelligent. OK, oui, je suis d'accord. Bon, puis nécessairement, c'est l'énergie... Même si ça peut être positif à un moment donné, ça n'en demeure pas moins, ça retient ça bloque l'intelligence. La seule positivité du mental, c'est que c'est l'énergie qui permet le contact entre l'intelligence et l'astral. Sauf que le mental étant assujetti par l'astral, il sert de bouclier pour contrer l'intelligence. OK? Chaque fois que vous mentalisez, c'est pour fuir l'intelligence. Chaque fois que quelqu'un mentalise, c'est pour nier l'intelligence. Il accepte l'astral. Le mentalisateur accepte toujours la mémoire. Le mentalisateur refuse toujours le spontané. Il refuse toujours l'intelligence. Alors, si, par exemple, je dis telle chose dans l'intelligence, la personne qui mentalise va nous sortir des arguments astrologiques pour venir planter ton argumentation supramentale. Puis ça, c'est dirigé par le mental. Par l'astral. Mais c'est le mental qui va faire ça. Non, mais c'est le mental qui dirige les arguments astrales. Oui, absolument. Astrales. Exactement. Okay. Pour protéger l'astral. Quand, par exemple, les citoyens prennent une décision qui s'adonne, hélas, à être positive, qui, hélas, va améliorer la condition humaine, et quand je dis hélas, c'est pas un jeu de mots, l'humain est malheureux de ce genre de situation, c'est pourquoi l'humain va faire tant d'efforts pour ne pas la prendre, l'humain va tout faire pour résister, et les plus mentales vont t'amener les doigts humains, vont t'amener les ceci et les cela pour essayer de couper les contacts avec l'intelligence. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toute l'amélioration du vécu de l'humanité s'est faite uniquement suite à la descente de l'intelligence dans le corps de l'homme, de la femme, de l'enfant. Et l'intelligence, quand elle entre en contact avec le mental, aussi petit soit-il, ça vient laisser une trace. Cette trace... C'est ce que la spiritualité appelle le contact avec les sphères, le contact avec Dieu, le contact, etc. Les supramentalisés vont parler carrément du contact, bon, le contact supramental. Et ça, ça laisse une trace ici qui nuit énormément à la souffrance de l'astral. L'astral, la mémoire, l'homme, ce sont des entités de souffrance. C'est leur nature. Et ils aiment souffrir. Maintenant, quand il y a une descente d'intelligence, aussi minime soit-elle, à l'intérieur du mental, au niveau de l'ego, la trace qui est laissée ici oblige. Elle fait voir clairement à l'astral, à la mémoire ici, qui est une mémoire de souffrance, fait voir clairement à l'homme qu'il y a un autre monde, une autre sphère, celui d'intelligence, où c'est un antagoniste. C'est le bien, c'est la paix, c'est l'harmonie réelle, c'est la joie, le manque de souffrance, c'est la santé, c'est le plaisir. Et là, ce qui arrive, il arrive simplement que l'intelligence ayant un peu plus de puissance dans l'impression qu'il peut donner dans l'ego que l'expérience, autrement dit, tu vas croire plus facilement à l'intelligence qu'à l'expérience de ta vie. Ça rentre plus profondément. Mais étant donné que, même si tu vibres plus à l'expérience de l'intelligence qui fait juste te faire dire « il y a le bas, tu devrais être heureux », ça t'influence plus que 2 ans de guerre. Par contre, ta nature, elle, ne sera pas suffisamment influencée par la descente de l'intelligence. Ta nature, c'est ta génétique, ta réincarnation, toutes tes structures, qui sont des structures d'autodestruction et de recherche de misère et de souffrance. Alors, il arrive donc ici qu'il y a une espèce de problème. Il y a un problème majeur entre le contact de l'ego et le contact de l'intelligence. Le mental, son rôle, c'est d'atténuer, d'éliminer, de réfréner ce contact pour préserver la nature de l'homme, une nature à la destruction, une nature de souffrance. Mais... pour atténuer ça ici, chaque fois que l'intelligence a un contact avec de l'ego, l'atténuation va engendrer un concept. Un concept, c'est une stratégie très intéressante dans la forme qui permet de prendre l'énergie de l'intelligence et de lui attacher une forme qui va être assimilable, supportable par l'ego, sans altérer la nature de l'homme. La majorité des concepts de départ, quand l'intelligence touche à l'ego, engendre la spiritualité. La spiritualisation naît uniquement du contact entre l'intelligence et de l'homme, de sa nature d'autodestructive. Alors, du moment que ça descend ici et que c'est un contact avec l'ego, ça engendre une nouvelle forme d'énergie qui est la spiritualité. La spiritualité, c'est la mécanique qui permet de préserver la nature humaine, qui permet à l'être humain, à l'homme, de faire réfléchir la mémoire de l'intelligence dans des très, très hautes sphères du monde astral, ce qui dégage totalement l'être humain à partir en bas des hautes sphères, aller jusque dans le fin fond de la matière, du contact avec l'intelligence. Alors, ça veut dire que si, par exemple, tu dois être heureux, eh bien, ça va engendrer une vision spirituelle qui devient une espèce de miroir par en haut. Et toi, tout ce qui va rester dans la mémoire de l'astral, c'est l'idée que tu veux être heureux. Et cette idée-là n'a tellement pas de réalité dans l'homme, mais ça permet de dire, « Moi, je veux être heureux. » Alors, quand l'intelligence descend, elle reçoit « Je veux être heureux. » Et l'intelligence rebondit sur le concept spirituel. Mais l'homme, à l'intérieur de ça, lui, il va continuer à prendre de la boisson, il va dire, « Moi, je prends de la bière pour être heureux de temps en temps. » La bière détruit son foie, attaque son cerveau, mélange son astral, la bière le détruit. Mais maintenant, il peut prendre un objet de destruction, prétextant même que c'est pour son bien. Ou il va faire toute sa vie maintenant, il va continuer à agir de la même foutue façon, mais avec des concepts spirituels qui réfléchissent la lumière. Plus l'intelligence descend dans l'humain, plus sa spiritualisation va grandir. Alors, plus il y aura des contacts avec l'intelligence chez l'être humain, plus la religion va grandir. La religion, elle porte le nom de psychologie, si ce n'est pas un dieu que tu adores. Elle porte le nom de science, si ce n'est pas un dieu. Bon, il y a différents noms là-dedans. Ça reste de l'émotivisation d'une expérience supramentale humaine, et c'est la spiritualisation. Il va venir un moment donné, évidemment, où l'information qui descend chez l'humain et amène de nouvelles clartés, ou bien où la spiritualisation va rester. Spiritualiser, c'est émotiviser. La spiritualisation, on est uniquement de l'obligation, ça naît du travail du mental pour faire réfléchir l'intelligence, le supramental. C'est la spiritualisation. Que tu pries Dieu, que tu ne pries pas Dieu, ça ne change rien. La spiritualisation, c'est de retourner vers le ciel, vers Dieu, ses propres énergies. Retourner l'intelligence vers l'intelligence, puis toi, continuer à rester ce que tu es, toi, dans le contexte planétaire. Mais, alors, ce qui va... Oui? Ariel, c'est parce que je ne veux pas t'arrêter, là, continue, puis... Bon. C'est pas pire. Toi, tu ne veux pas, mais tu m'arrêtes. Tu m'arrêtes de me dire. Non, mais c'est ça. C'est ça, l'humain. Alors, ce qui arrive donc, c'est qu'à un moment donné, c'est évident que l'humain ici, le mental, va commencer à créer des concepts, ça reste de la spiritualisation, plus puissants, qui vont servir de la science, qui vont être ésotériques, qui vont être occultes, qui vont être, bon, de différents ordres. L'idée là-dedans, c'est que ça vient, le contact avec l'intelligence crée une mécanique très problématique et la fuite de la mécanique, c'est la spiritualisation. Donc, si... faudrait un autre crayon. Un, la nature humaine est une nature de souffrance et d'autodestruction. Il fera tout au long de son existence pour cumuler que des expériences qui l'amènent là. Deux, la spiritualisation naît du contact entre l'intelligence et l'homme. Et la spiritualisation est engendrée, toujours engendrée par le mental humain, et elle sert à réfléchir l'intelligence vers elle-même, créant par ce fait même la religion, enfin des concepts, pour préserver la nature intégrale de l'être humain, une nature à la souffrance et à l'autodestruction. Bon, deux. Trois. C'est ici, là, c'est... Trois. La démarche humaine, lorsque la spiritualité n'est pas suffisamment forte, ne peut plus préserver, ne peut plus retourner l'intelligence vers elle-même, servir de réflecteur, eh bien, là, maintenant, ça commence à traverser. Et ça vient rejoindre encore plus profondément l'homme dans sa nature. L'homme ne peut vivre avec le contact supramental. L'être humain, de par sa nature, n'est pas un être de spontanéité, c'est un être de mémoire. Alors, il devra s'arranger pour bouger de façon à briser le contact. Trois. Bouger de façon à briser le contact devient la deuxième arme pour empêcher l'intelligence de toucher l'homme. Bouger pour empêcher le contact, ça peut vouloir dire, dans certains cas, te droguer plus, boire plus, mais l'intelligence va encore finir par venir te ramasser. Donc, il y a une façon certaine, sûre, de couper le contact avec l'intelligence, c'est ce que l'humain appelle s'améliorer. Mais l'humain n'améliore jamais sa condition ou ne s'améliore jamais lui-même parce qu'il envoie l'intelligence. C'est toujours pour couper le contact. Mais ça joue contre l'humain, ça joue contre l'homme qui veut être malheureux. Il n'a pas le choix. À long terme, ça... Ça ne joue pas contre, c'est que moi, je suis avec une lance ou avec une torche en feu, puis quand j'approche de toi, bien, à un moment donné, tu recules. Il y a un précipice là-bas. Mais si tu recules pas, tu brûles et tu meurs. Si tu recules, tu restes vivant. Mais veux pas, tu sais que tu vas mourir pareil. Donc, le fait de reculer ne joue pas contre toi, et ça joue pour toi, mais ça ne fait qu'étirer le temps. Parce que de toute façon, t'es fini. Bon. Alors, il arrive ceci. Il arrive donc qu'à un moment donné, les citoyens aiment donner des cartes d'assurance maladie à tout le monde. Et on sait, par exemple, que les médecins en profitent à pu finir. On sait que les immigrants en profitent à pu finir. Et ça sert sans arrêt. Bon. Et à un moment donné, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, rien. Parce que ça nous permet de chialer. Ça nous rend malheureux. Ça nous permet de payer plus. Ça nous permet de critiquer. Ça nous permet d'haïr. Ça nous permet de faire plein de choses. Mais là, l'intelligence, elle vient régulièrement dire, mais mettez donc des photos, ils ne pourront plus les utiliser. Mettez donc des puces après les cartes, comme ça, chaque médecin va savoir où ce que l'autre est passé avant. Ça, c'est pas encore accepté, ça, là. Là, on a accepté les photos. Mais que toi, tu voles le système sans arrêt, c'est... faut pas qu'on le sache. Parce que si on le sait, l'intelligence va avoir plus de force, puis on va être obligé d'arrêter ça. On pourra plus chialer. Alors, pas de carte à puce après les cartes d'assurance maladie encore. La photo, bien, c'est parce qu'à un moment donné, là, l'intelligence écœure tellement les dirigeants et l'ensemble des citoyens que pour que l'intelligence se ferme la gueule, bien, on va mettre cette crise de photo, clic, c'est réglé. Et là, maintenant, ça tente plus aucun problème. On parle plus. C'est pourquoi l'humain va bouger comme ça. L'humain n'a pas pris de choix intelligent. L'humain n'a rien fait pour améliorer sa situation. Il faut que vous compreniez bien la mécanique, parce que c'est de cette façon-là, de toute façon, que vous bougez. Bon, il y a des gens qui apprennent des choses, ne changeront jamais rien dans leur vie. Parce que le fait d'apprendre, ça sert de bouclier réflecteur, et ils sont en paix. La journée que l'intelligence arrive à traverser un petit peu plus, là, ils pensent vivre la crise du siècle. Là, ils vont dire, « Oui, on va être bien là, il est temps qu'on fasse de quoi, mais... » Pourquoi il se plaît comme ça? Parce qu'il va réussir, l'intelligence va venir le chercher. Alors, il se plaint fort, parce qu'il veut que quelque part on le tasse, qu'il se bouge un petit quelque chose, pour qu'après ça, on ait encore un 6 mois, 8 mois, où on pourra continuer à se détruire, pour rechercher le malheur. Juste le temps que l'intelligence recommence à traverser. Bon, sans défendre le mental, l'astral et tout ça, là, le bouclier que ça va former, l'arrêt, que ça, le bloc que ça occasionne, C'est pour préserver l'homme. Hey, bon, c'est une question. Est-ce que c'est pour préserver l'homme, l'humain, là, pour qu'il arrive, parce que de toute façon, il n'est pas assez puissant pour supporter l'intelligence? C'est pour préserver l'animal humain, simplement parce que c'est sa nature, c'est comme ça. Et ça passe à petite dose, mais c'est très long, et puis, bon, ça, c'est une affaire. L'autre affaire, c'est que... Donc, il faut qu'on comprenne clairement qu'il n'y a pas un humain jusqu'à date qui a amélioré sa situation dans le but de l'améliorer. Il était poussé à le faire. Ils l'ont tous amélioré. Tous les gens améliorent leur situation dans le but de retourner vivre dans la souffrance et dans le malheur. Bon. Alors, à un moment donné, il faut comprendre clairement que... Mais c'est paradoxal parce que quand tu... C'est pas paradoxal. C'est parce que le concept qui est créé par le mental, qui est un concept qui réfléchit l'intelligence, c'est celui-là que tu entends vibrer dans ta tête. « Je veux être en santé. » Et une fois que ça, c'est assez clair... Tu peux maintenant continuer à manger du sucre, à manger vite, à manger croche, à manger gras, à manger n'importe quoi, parce que tu veux être en santé. Ça peut aller jusqu'au jour où ça va de plus en plus mal. Non, mais ce que à un moment donné, tu vas couper le sucre. Mais ce qui... Puis là, tu vas recommencer à avoir la paix. Mais tu as coupé le sucre pas parce que tu voyais l'intelligence. Pas parce que tu es un homme de volonté. Oui, mais c'est ça que je trouve paradoxal ou illogique. C'est que, par exemple, on va dire que l'humain veut vivre... L'humain veut vivre... malheureux. Ben, il faut, oui, c'est évident. Et puis, lorsqu'il y a un contact qui fait que ça lui crée une distorsion psychologique, qui est c'est une souffrance. Ça. C'est pour ça que je dis que c'est paradoxal, parce que l'humain souffre de ça. Et pour s'en débarrasser, c'est-à-dire pour avoir la paix, il accepte. Et l'humain n'en souffre pas. Pour mieux encore aller souffrir. Justement, c'est deux. L'humain n'en souffre pas. Regardez ben si oui, on souffre quand on a ce contact-là là, de conscience, non. Puis justement, on veut non. le tasser. Justement, non. Ce n'est pas de la souffrance, c'est une transformation qui est positive. Quand tu... Oui, mais ce qu'on vit là, à ce moment-là, c'est souffrant. Bon, ce que tu vis à ce moment-là, c'est une récupération. On va y aller avec le numéro 4. C'est correct, pour une fois, tu es dans l'ordre. Pas mal bon. L'être humain et sa nature est de s'autodétruire et de souffrir. Pour cela, il y a des mécaniques, A, B, C, D, etc. On va dire la mécanique A, c'est aller à la pêche au problème. Donc, l'humain essaie de se servir comme argument de souffrance tout ce qu'il peut trouver. Ça le fait souffrir, ça le rend malheureux. Alors, ça peut être la crise existentielle complète parce que Platon, un jour, s'est trompé. Ça peut être parce que ça se bat en Bosnie. Ça peut être parce que c'était écœurant qu'à Québec, il y a eu une bataille comme il y a eu là, alors que tu restes à Montréal. Ça peut être parce que l'autre vient de gagner à l'autriche, ou les mêmes justes chiens qui gagnent à la pêche. N'importe quoi. Ça peut être le bouton que tu as en mauvaise place. N'importe quoi, tu vas à la pêche. C'est plaisant. Bon. Maintenant, ce qui arrive, c'est que quand ici, l'intelligence commence à descendre, si tu observes bien l'état dans lequel tu es quand ça arrive au départ, c'est à peu près toujours un bien-être. C'est toujours quelque chose de bien. Tu as un goût différent. Tu changes légèrement. Immédiatement, ton ego va aller à la pêche pour ramasser l'occasion et va en faire une occasion de souffrance. Et c'est ça que tu vas sentir comme souffrance, puis ça, tu y tiens. Et tu y tiens à tel point qu'avant de changer pour couper le contact, tu vas tout faire pour endurer, résister, parce que tu te nourris de la présence du bien-être qui va t'auto-détruire, toi, un être de souffrance, mais tu t'en nourris pour souffrir. Alors, quand l'humain est prêt à changer, change pas tout de suite parce que sacrément, il a hâte de changer parce qu'il est tanné, puis il changera pas tout de suite. Parce que là, il a réussi à trouver une autre raison de souffrir, il s'en sert. Mais le tout début, quand tu te tabarnouches, c'est bien trop vrai que tu ne souffres pas. Puis là, tu te dis, ouais, mais c'est dangereux. Là, tu peux prendre plaisir à la chose. Et normalement, c'est pas long qu'on va te faire voir tout de suite, pouf, regarde comment c'est laid le monde, regarde comment. Et pouf, tu vas à la pêche. Alors, la souffrance que tu as après, face au changement, c'est la souffrance que tu vas développer en face de la beauté. Et c'est ce qui va faire en sorte que tu vas rendre si pénible, ça te plaît, donc tu vas rendre si pénible le changement. Ça veut dire qu'on repousse immédiatement, parce que c'est vrai, si on fait une prise de conscience sur quelque chose, on est bien. Tu souffres jamais. Mais par la suite, ah, c'est pas long. La souffrance vient du fait qu'on on le repousse, ça, là. Oui. Et pourquoi tu le repousses? C'est tout l'effort pour le repousser. Maintenant, maintenant, tu sais que tu te vois maintenant changer. Pourquoi ne changes-tu pas tout de suite? Parce que tu souffres. Non, mais c'est tu ne changerais pas tout de suite, non plus que tu souffres. Mais moi, ce que je dis, c'est parce que c'est pas assez clair. T'es pas assez... Non, c'est parce que tu as notre suite à la souffrance. Mais c'est parce qu'on fait des... Là, c'est parce que là, il y a plein d'affaires. C'est qu'on fait... Des concepts, fais attention. Souvent, tu prends des concepts pour des réalités. L'homme veut souffrir. Bon, premièrement, là, la spiritualité, c'est le concept du bon. C'est l'expression du contact entre l'intelligence et l'ego. Et l'homme, et sa nature. Tout ce qui est en bas de... Les concepts, là, ouais. C'est tout du faux. Un concept, parce c'est quand de l'intelligence dire, qu'on enveloppe défi... avec des papiers de mémoire pris dans l'astral ici. Donc, la nature fondamentale du concept est souvent une réalité que tu ne peux pas lire oui. parce qu'elle est emballée par des formes, et cette forme-là, qui est le concept, devient une illusion. C'est une façade. Si on discute, on va dire, bien ça, c'est un concept. Non, c'est pas nécessairement une façade, mais... C'est une illusion, mais qui est basée sur une structure réelle. Et tu ne connais pas la réalité d'un concept. Un concept positif est toujours bâti à partir d'une énergie positive. Donc, il y a quelque chose de vrai dans ton foutu concept. Mm-hmm. Mais ce que tu vois, toi, du concept, si tu te mets à croire à la forme, plutôt que d'essayer simplement de connaître la saveur de la forme, tu vas te faire ramasser. Alors, quelqu'un qui a le concept du futur, il va croire au concept, donc à la forme du futur, il ne pourra jamais obtenir le futur. Quelqu'un qui se rend compte qu'il y a une saveur dans la forme, celui qui s'intéresse à la saveur du futur, la forme, il va l'utiliser parce que ça lui permet de raisonner. La forme, elle change. Bien, il n'y a pas de problème. Tant que la saveur reste la même, changez la forme comme vous voudrez, ne me dérange pas. Alors, lui, il se dirige vers le futur. C'est-à-dire que lui, il a des contacts du futur et il y a une problématique encore. Il reste dans un corps qui ne veut pas fonctionner. Alors, on va prendre un exemple facile à comprendre. Tu vas voir ça bien vite, tu vas comprendre ça dans 2-3 ans. Alors, imaginons que... Tu le comprends avant, mais tu vas le vivre dans 2-3 ans. Non, peut-être pas dans ton cas. La personne qui s'en va magasiner avec 2 enfants de 4-5 ans. 2 monstres, 2 teflons qui n'ont jamais connu d'adultes respectables. Alors, elle rentre dans un magasin, puis là, lui, mais il va avoir tel morceau, il va acheter des chips, l'autre, il va aller voir ce qui se passe là-bas. Puis toi, t'es... Faut pas que tu les lâches, parce que tu sais, la dernière fois que tu les as lâchés, ça a pris tout le corps de police de la ville de Montréal de le trouver. Mais t'es-tu un adulte respectable ou non, là? T'es un adulte normal. OK? Là, tu rentres dans le magasin, là, tu dis, bon, je vais aller voir la caissière. Puis là, ça fait, ça tient par là, puis là, viens ici, tu as là. Viens, t'as mal. Viens ici! Ça va là, madame! Puis là, tout le monde passe en avant de toi. Ça, c'est l'humain. OK? Toi, là, tu es la personne ici, c'est l'intelligence. L'intelligence, quand elle descend dans ton corps, là, elle se ramasse avec 25 petits monstres comme ça. Puis toi, tu te dis, bon, je vais aller me coucher. Ouais, ouais, même tu ramasses devant la télévision, puis ça veut que la télévision, puis on va dans le frigidaire là-bas. Puis tu te dis, là, il faut que j'aille me coucher, puis ça tire par là. T'as beau vouloir, dis ce que tu voudras, il n'y a rien à faire. Alors, imagine que tu es enchaîné après 20 ans, une classe de jeunes deuxième année, là. Tu rentres dans un. Chez Laura Secor, et c'est une gang de monstres. T'as beau être ce que tu voudras, tu vas avoir l'air d'un bel imbécile. Il faut que l'humain comprenne que c'est ça qu'il est. Toi, là, tu habites un corps qui s'en va là, qui s'en va là, qui court par là, qui tire par là. Mais alors, toi, là, ce qui arrive, vu que tu contrôles alors absolument pas ton corps, aucun de tes corps, bien, nécessairement, même si tu vois l'intelligence d'une chose, ça ne veut rien dire. Bon. La personne a voit l'intelligence de ne pas bouger, elle va se ramasser à l'autre bout du magasin, tout en voyant l'intelligence de ne pas bouger. Bon, le parallèle s'applique, je trouve, parfaitement, là. Quand le contact descend, bien, on va dire, bon... Moi, je ne dis plus contact descend, parce que l'intelligence, pour moi, ça n'existe pas, là. Le contact, c'est fait. Quand ça apparaît... Le contact, c'est fait. Il descend pas, il se fait. Tu as une prise de conscience sur quelque chose. Ouais. Tiens, ah, voyons donc, là, c'est clair, là. Maintenant, quand c'est le temps de vivre avec ça, de l'appliquer... Non, c'est jamais le temps de l'appliquer. Tu ne veux pas l'appliquer. Non, mais... Ça, c'est tu réfléchis des choses. Et pour les réfléchir, il va falloir que tu crées des concepts. Non. Là, je parle de quelqu'un, là, qui est écœuré. Et puis là, il voit quelque chose. Quelqu'un qui est écœuré, là, il est prêt à bouger pour couper le contact. Là, il voit quelque chose. Quelqu'un qui commence à être écœuré, plutôt. Il voit quelque chose. Non, mais c'est... parce que... Parce que je veux être précis. Je tiens à être précis. Tu vois quelque chose, et puis là, c'est que tu es écœuré de te faire charrier comme ça. C'est pas vrai. T'aimes ça. OK, continue. On reviendra là-dessus, là. Non, t'aimes ça. Parce que l'intelligence vient de te dire que c'est pas le genre de vie qu'un être humain intelligent doit vivre. Que l'être humain se dit de positif est du mensonge. Oui, mais à un moment donné, ça va changer. Non. Oui. Ça change uniquement quand il est pour changer. Si l'humain est pour changer, l'humain va changer de façon à ne pas changer. Non, mais l'humain qui est en transition, là. L'humain qui est en transition... Qui traverse d'abord. Non, il n'est pas. L'humain qui est en train de traverser. Non, soyons précis. L'humain qui est en transition, c'est uniquement un être humain qui souffre d'un trop grand contact avec l'intelligence. Alors, il est toujours obligé de bouger pour fermer la gueule de l'intelligence. Bouge, on ferme la gueule. Si bouge, on ferme la gueule. Bon, on va respirer plus lentement, mais sacrément, lâchez-moi. Mm-hmm. Bon, ça y est. Là, la personne, le concept va dire, tu vois, tu t'améliores. Tu t'améliores pas. Tu as réussi à couper le contact, continue à vivre dans la misère. Après ça, à un moment donné, l'intelligence vient te dire, l'intelligence, elle ne dit pas, elle veut prendre contrôle du corps. Pour prendre contrôle du corps, l'intelligence, c'est exactement comme si elle disait, je vais relaxer ton bras. Elle rentre dedans. Toi, tu vas dire, lâche-moi, t'aimes-moi le relaxer moi-même, mon petit bras. Bon! Fait que là, l'intelligence, elle vient plus. Parce que t'es capable de le faire. Non, mais, c'est... mais deux semaines après, tu le fais plus. Elle va revenir, tu vas recommencer à le faire. C'est ça, mais c'est donné, pas pour améliorer ton sort. Oui, mais à un moment donné, tu vas être intelligent. Non, pas comme ça. À un moment donné, tu vas tout être parfait. Tu vas continuer à souffrir. Ben là, comment? Parce que même si t'es tout relax, etc., t'es toujours pas dans l'autre monde. T'es toujours pas fusionné, t'as toujours pas de contact réel avec ton intelligence. Tout ce que t'as fait, tu mimes tout ce qu'il faut pour faire croire à l'intelligence. En réalité, c'est juste des mécaniques de réflexion pour que l'intelligence puisse pas traverser. Et tu vas continuer à aller à la pêche. Tu vas te plaindre que les autres le font pas. Tu vas te plaindre que la nuit est trop noire. Tu vas te plaindre, tu as trouvé des choses. Jusqu'au jour où tu vas muter. Quand tu vas muter, tu vas être un mutant. Quand tu vas être un mutant, tu seras plus un humain. Donc, tu n'auras plus la nature fondamentale de l'humain. Sauf que ça ne se fait pas avec des concepts. Ça se fait avec bien d'autres choses. Et pour l'instant, il faut très que tout le monde comprenne bien l'idée. C'est comme ça. C'est ça que c'est. Il n'y a pas une explication de maladie psychologique, de maladie psychosomatique, de maladie physique, de détresse psychologique, affective. Quand tu regardes, la fois que je vous donnais l'exemple des deux adolescents qui étaient interviewés à propos de la drogue, pourquoi toi tu te drogues? Pourquoi tu as commencé à te droguer? Parce que mes parents ne s'occupaient jamais de moi. Puis quand on pose la question à l'autre, « Ah, oh, moi, mes parents, ils s'occupaient trop de moi. Tu vas à la pêche. Chris, moi, la paix avec tes parents. Je m'en fous des parents. Donnez-moi les parents que vous voudrez. Allez me droguer pareil, ça va être de leur faute. » Bon. Puis chaque parent qui entend le jeune dire que c'est de leur faute, ils vont se sentir coupables. Ils vont à la pêche. Ils vont dire, « Merci, mon gars, t'es smart. Est-ce que tu me permets de souffrir? Maudit que t'es gentil. » Et on profite de suite. Il n'y a pas un parent qui se dit, « Ben voyons donc, c'est qui compte là, c'est de ma faute. Pas de ma faute du tout. » Voyons donc, les parents sont contents. Ils vont à la pêche tout de suite. Mais là, je trouve que tu ne lâches pas, parce que là, je commençais à comprendre. Et puis, non, mais c'est vrai, c'est que... C'était clair que on veut souffrir, on veut être dans la merde. Ça, c'est clair. C'est les exemples que je te donnais. OK. Mais là, comme ça commence à être clair, là, je m'en viens à un moment donné où là, je suis conscient de plusieurs choses. Et non seulement je suis conscient, là, la conscience, des fois, ça dure une demi-seconde, ça part, tu te rappelles d'avoir été conscient à ce point-là. Tu te rappelles d'avoir été conscient, d'avoir vu ça clair. Mais pendant que tu y penses, t'es charrié, la même affaire. Mais il vient un temps, là... T'es pas charrié. Ça aussi, c'est un concept dangereux. OK. Tu n'es pas charrié. Tu te charries. Tu fais tout okay. Pour couper. Donc, tu te charries. Voilà. Mais ce que je veux arriver à dire, là, je sais pas si je vais être capable, mais... Dis-le. C'est quand il y a le contact qui se fait, toujours, là, moi, c'est toujours la prise de conscience que je parle, là, quand ça se fait, là, tu es vivant là-dedans. Tu vois ça. Et tu veux continuer à vivre, on va dire, malgré ça. Tu ne veux pas continuer à vivre ça. Oui. Non. OK. Non. OK. Ben, tu demeures conscient tout le temps. Bon. Au lieu de rester conscient pendant une demi-seconde, tu l'es pendant pendant une minute, là, tu l'es à toutes les une demi-seconde à toutes les secondes. Tu sais, c'est à peu près ça qui se passe. Autrement dit, tu veux tellement fermer le contact, mais l'intelligence est tellement présente que tu n'arrives pas à fermer le contact. Après une minute, tu arrives à fermer. Mais pendant cette minute-là, ouais. Pendant ces 30 secondes-là, là, je suis en train de comprendre que c'est encore un concept. Là. Mais ça m'écœure parce que... Ça ne t'écœure pas, ça t'arrange. Mais vu que tu es intelligent, tu ne peux pas admettre ça m'arrange. Donc, tu vas admettre ça m'écœure. Et ça permet à l'intelligence de se réfléchir. L'intelligence dit, OK, on peut le lâcher, ça l'écœure. Mais ça ne l'écœure pas, ça l'arrange. C'est bien important de comprendre. Quand quelqu'un oui, dit, mais là, c'est parce que je peux plus... le bol, c'est faux. Bon, ben là, moi, si ça marche de même, là, je pourrais plus fonctionner. Ça marche de même. Mais non, tu vas faire un pet ou deux, tu vas bouger pour couper le contact. Bien, c'est probablement ça qui va arriver parce que, étant donné qu'il y a toujours, là, ce que je viens de voir, il y a toujours le foutu, le libre-arbitre, là, qui traîne tout le temps quelque part là-dedans. Il n'est pas là-dedans, c'est évident. Tu es bâti pour souffrir, puis l'intelligence, elle vient de t'organiser. Fait que quand tu t'améliores, c'est toujours pour fuir le contact. Non, mais la conscience, c'est un... C'est pas le libre-arbitre, mais c'est un... C'est... Un état. C'est un état libre. Un état libre. OK, un état libre. Il y a des affaires qu'il faut qu'ils tombent parce que... Non, il faut que l'humain comprenne clairement. Il faut là que l'humain soit capable de voir réellement ce qu'est sa nature. Oui, mais là, quand je pense à ça, c'est comme si j'ai l'impression... Tu mélanges les concepts. Oui, mais pour si tu... Pour l'intelligence, et tu te dis que c'est ça que tu vois et c'est ça que tu veux. C'est pas ça que tu veux. Mais regarde bien, si... Tu veux ce que tu as. Il faut essayer de comprendre ce que je veux dire, OK? OK, moi, essayez. Si je pense... Ça, essayez, moi, je suis expert. Aucun problème. Quand je vois que je suis manipulé, qu'il y a de l'astral, que je veux pas être heureux, tout ça... J'essaye. Celui qui voit ça, là... Mm. Là, tu es en train de lui dire qu'il n'y a rien à faire, là. Il veut même pas ça. Celui qui voit c'est qui pense? C'est quoi l'affaire, là? Il se passe quoi? Il se passe rien. Il n'y a même pas de. Mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Quand la personne voit ça, tout ce qu'elle voit, c'est le bouclier que le mental est en train de créer pour être capable de couper le contact avec l'intelligence. Si l'intelligence est trop dominante, traverse encore trop, on va augmenter le contact, le contact du bouclier. On va augmenter l'épaisseur du bouclier. Donc, on va conceptualiser. Puis, si c'est encore, bien là, l'humain va dire, « Ouais, mais tabarnak, là, je t'ai écœuré. » Il n'est pas écœuré. « Je t'ai écœuré d'être malheureux, hostile! » Non, il est en train d'être malheureux, il est content. Sauf qu'il est en train de... Il joue avec les concepts. Puis, si ça descend encore trop, il va devoir changer pour le mieux. Pour qu'on ne cesse de descendre chez lui, parce que si on continue à descendre chez lui, on va le muter. Et là, il va être en paix, il va être heureux, il va être bien, il va être parfait. Il n'y a pas un humain qui veut ça. Ils disent tout ça. Ils n'ont pas le choix de dire ça parce qu'ils ont un contact avec l'intelligence. Donc, quand ils viennent pour parler, si un humain dit, je veux être malheureux, l'intelligence, elle descend avec une virée, avec une drille, une perceuse. Tu veux être malheureux, l'intelligence descend tout de suite. Pour te dire que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Alors, tu n'es pas pour admettre, je veux être malheureux, je ne veux pas le contact. Je veux être heureux. Ah, l'intelligence, elle dit, je veux être heureux. Elle a réfléchi. OK? C'est pas comme ça te croyait. C'est une mécanique. Là, L'humain, il est heureux quand il est malheureux. Bon. L'humain, il n'est pas heureux quand il est malheureux. L'humain, il est bien quand il est malheureux. Okay. Pareil, cela. Mm-hmm. Puis l'humain, il est mal quand il est heureux. C'est pour ça qu'il ne reste pas heureux longtemps, c'est pour ça qu'il se punit tout de suite, le plus vite possible. Tu viens de dire, t'es bien, t'es heureux, là, qu'est-ce que tu fais? Ça va t'empoisonner. Ouais, changer un petit peu un cornet, du chocolat, tu veux McDonald's. Faut s'empoisonner un petit peu. Est-ce qu'on parle des chips, des cossins, tu vas appeler quelqu'un pour l'engueuler, tu vas trouver des façons, tu vas t'aller à la pêche. Est-ce qu'on parle de l'ego, là? On parle de tout l'humain complet. L'ego, c'est le centre qui va coordonner tout ça. Mais là, on parle de la nature quand de l'humain. Quand tu dis, là... Quand je parle de la nature de l'humain, ça veut dire que les corps physiques aiment manger ce qui les empoisonne et détestent ce qui va les maintenir en santé. D'où l'idée que manger des bonnes choses, ça demande de l'effort. Manger des cochonneries, il n'y a aucun foutu problème. La nature du physique est la même. Mais quelqu'un la nature du vital est la même. Aller dans des endroits vitalement et suçants, pas de problème, c'est aucun problème. Aller dans des endroits nourrissants, pas... Non, ça, ouais. Approche du pape, c'est compliqué en ciboire. Approche de quelqu'un qui est déprimé, tu vas te pogner 2 heures avec lui, il va te tenir là, tu t'en iras pas. Aucun problème, il te vide. Au niveau astral, c'est la même mécanique. Au niveau astral, l'être humain va rechercher tout ce qui peut permettre la souffrance et il va fuir tout ce qui peut engendrer le bonheur. Au niveau du mental, ça va être la même chose. quelqu'un, il y a des humains là, ouais. Qui... Des bons vieux humains. Travaillent, non, c'est quand même des nouveaux ceux-là, ils travaillent pour bien manger, ils travaillent pour pas trop se faire têter, ouais. ils forcent, pas vrai, je suis d'accord. C'est pas vrai. Je suis d'accord avec toi que c'est pas dur. Vrai. C'est uniquement pour fuir le contact. Oui. Les autres, là, ils sont dans un engouffrement majeur qui fait qu'ils sont trop souvent en présence de l'intelligence. Donc, ils sont obligés de changer plus qu'est-ce de choses pour autres... couper le contact. Pourquoi qu'eux autres... Ils donnent l'illusion qu'ils veulent avancer. Mais pourquoi qu'eux autres, ils se font écœurer par... Pourquoi c'est eux autres qui se font écœurer par l'intelligence? Pourquoi c'est eux autres qui se font entourer puis c'est eux autres qu'il faut qu'ils se sauvent? Ça, on répond pas à ce genre de questions-là. Bon. C'est pas cette réponse-là... C'est... Non. C'est pas... Non, ce que tu m'as dit, là, c'est pas... Ce que je t'ai dit, là, c'est de l'intelligence, tu le comprends, puis là, tu luttes. Parce que c'est à moitié vrai, parce que c'était pas tout à fait ça que je demandais. L'être humain fait tout pour souffrir. Alors, si on se dit, comment ça se fait que les gouvernements ne changent rien? Voyons donc. Les gouvernements, ils ne changeront rien, c'est bien sûr. Pourquoi le peuple, il vote toujours pour les mêmes? C'est bien évident. Mais ils comptent des mentis, ils votent pour. Bien, c'est sûr. Amène-en un qui dit la vérité. C'est pas évident, il n'y aura pas beaucoup de votes. Ceux qui vont voter pour ont les mêmes raisons de souffrance. Sauf que l'ensemble de la programmation humaine va amener les humains à voter contre les mauvais. Alors, regarde, plus les gens sont intelligents, quand ils regardent les politiciens, ils se disent « Oui, mais comment il y a tellement l'air hypocrite? » Bien, c'est celui-là qui rentre aux élections. Mais regarde bien. Si, par exemple, il y a quelqu'un, l'intelligence se présente en politique, et puis... Elle devrait être élue automatiquement. Parce, non, mais non. Un instant. Parce que non. La population voulant tellement souffrir, non. Si on met de l'intelligence au pouvoir... On souffrira plus. On souffrira on pas. Va souffrir en maudit. Non. On va fuir. Tout le monde va vouloir fuir parce que la souffrance est trop grande. Non. Si le peuple vote l'intelligence au pouvoir, c'est parce que le peuple est intelligent. Sinon, le peuple ne votera pas d'intelligence au pouvoir. De peur d'être changé. Alors, si, par exemple, moi, je me présente, mettons, aux élections et que le peuple vote pour moi parce que, disons, je suis intelligent. Ils ne voteront pas pour moi parce que je suis intelligent. Ils vont voter pour moi parce que je peux les faire souffrir, pas parce que je suis intelligent. Il y en a pas un qui vont voter pour moi parce que je suis intelligent. Comme tu l'as dit toi-même à un moment donné dans une réunion, la meilleure façon de faire un parti politique puis gagner les élections, c'est de toujours dire au monde, si je suis élu, je vais interdire la publicité sur les cigarettes. Puis je vous avertis, ne votez pas pour moi parce que c'est ça qui va arriver. Ils vont te voter pour toi. Mm-hmm. Pour après ça, être capable de trouver chier, de trouver coeurant, tu as la façon idéale. Mais les gens ne votent pas pour toi parce que tu es intelligent. Les gens n'auront pas mis un gouvernement intelligent au pouvoir. Tu vas dire, oui, mais c'est ça que ça donne. Non, c'est ça que ça donne. C'est pas ça que les gens ont fait. Pareil. Ça, il faut faire la grosse nuance entre... Par exemple, tu me disais à un moment donné, ceux qui ont fait la bombe atomique, qui l'ont lancée à Nagasaki et à Hiroshima, ça l'a mis fin à la guerre. Donc, ces gens-là voulaient avoir la paix. Il faut voir que tout Oppenheimer puis toute la gang qui ont travaillé à la création de la bombe avaient là le moyen idéal pour être malheureux. Ça engendrait une bombe. Puis quand les gens ont envoyé la bombe dans ces régions-là, il n'y a personne qui a finalement été capable de prendre une décision. Et tous ceux qui ont pris la décision ont travaillé dans le but de leur malheur. Celui qui l'a lâché n'en est jamais revenu. Celui qui l'a fait lancer, qui a donné l'ordre de souffrir toute sa vie après. Et les gens ont fait ce qu'il fallait pour souffrir. La résultante, elle est du point de vue d'une logistique plus efficace parce qu'il y a eu moins de morts. Mais il n'y a personne qui a fait ces choses-là dans ce domaine. Ça veut dire qu'il se passe des événements. C'est pas ça. En tout cas, il se passe des événements dans la vie. C'est-à-dire qu'il se passe tellement de marde sur la Terre que de temps en temps, il y en a de la blanche, mais c'est pas un vouloir humain. S'il y avait un vouloir non, mais humain, il peut se passer des choses positives. La société évolue de façon positive, sauf que l'humain là-dedans, lui, en autant qu'il soit malheureux. Oui, donc la société n'évolue pas de façon positive. On améliore les conditions matérielles, parce que c'est une chose inéluctable au déroulement des événements planétaires. Mais l'humain n'a pas amélioré sa situation. L'humain, à l'époque de 3000 ans avant le Nazaréen, ça voulait s'autodétruire et souffrir. Pendant l'époque du Nazaréen, ça voulait ça. 2000 ans après, ça veut encore ça. Mais ça devait être pire. Moi, j'ai l'impression que c'était pire dans ce temps-là, mais ça, on est moins pire que ça. Bien, en fait, c'est la même chose. Rends-tu compte que les Romains avaient des toilettes chez eux? Les Français, bien après, n'en avaient pas. Là, tu vas me dire, c'est normal, c'est des Français. Non, l'humain va trouver des belles choses, il s'arrange pour les anéantir, il va détruire, c'est sans arrêt comme ça, ça s'explique tout ce qui se passe dans l'échelle planétaire. Mais comment... Alors, quand tu as des maladies psychiatriques, par exemple, un paranoïaque, qu'est-ce que c'est un paranoïaque? C'est quelqu'un qui va pêcher d'une autre façon, mais il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que c'est qu'un psychiatre ou un psychologue? C'est quelqu'un qui veut souffrir. Qu'est-ce que c'est qu'un médecin? C'est quelqu'un qui veut souffrir. Qu'est-ce que c'est qu'un astronaute? C'est quelqu'un qui veut souffrir. Un prêtre? C'est quelqu'un qui veut souffrir. C'est quelqu'un qui veut souffrir. Tout le monde veut souffrir. C'est la nature de l'humain. Bon, tout à l'heure, tu disais que... à un moment donné, ça va descendre, et puis... L'humain, il va être... un individu, par exemple, ou deux, ou... Certains... Des individus, là... ça va être réglé. Oui, parce qu'il va y avoir des mutations. Des mutations de quel type? C'est quoi les mutations? C'est génétique ou... Complètement au niveau des structures atomiques de l'être humain. Mais ils vont être provoqués par quoi? Ils vont être provoqués par ce qui se passe là? Exactement. Puis là, cet humain-là ne voudra plus souffrir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire souffrir les autres en tabarnouche. OK. Bon, je reviens sur ma... L'humain qui va être passé, là, l'humain qui ne veut plus souffrir, il va te faire souffrir le monde, mon ami. Il va être l'occasion idéale pour toute l'humanité pour aller à la pêche. Comment ça? Ben, par exemple, moi, j'ai pas d'argent sur moi, puis je rencontre un clochard. Le clochard, il me dit, veux-tu me donner 5 piastres? Fait que moi, je dis non, j'ai pas d'argent. Là, oh, oui, donc, j'ai pas d'argent, oui, donc. Moi, je m'en vais. Oh, crise de chien, blablabla. Moi, il me suit. T'as pas pitié? Non, j'ai pas pitié. Moi, je vais pas souffrir. J'ai pas pitié. Écoute bien. Moi, j'ai pas. Ça veut dire que t'arrives. Il y a quelqu'un qui. Toi, tu rentres chez moi, là, tu viens pour m'écœurer un soir, là, puis moi, je te mets dehors, ferme la porte, bon, tout ça, je vais me coucher, moi, je suis correct. Ah, c'est bon, chum! Tu vas me mettre en masse parce que moi, je suis plus altérable. Je peux plus souffrir. Fait que je veux rien savoir. Fait que tu passes à côté d'un accident, quelqu'un, aidez-moi. Non, t'aimes ça souffrir, souffre, mais m'envoie. Ça peut très bien arriver comme ça, comme tu peux aussi intervenir, sauf que toi, tu souffres pas dans l'affaire. Là, on parlait du point 5. Tu comptes, t'es toujours en règle. Hein? Non, là, c'est bon, c'est bien. Cinq. Ça doit être le dernier parce qu'il n'y a plus de place. Non, il y en a encore d'autres. Le cinquième qui est ensuite avec ça, c'était que... Je l'ai perdu. On parlait de souffrance, là. De... Ouais, je sais de quoi on parlait. Des fois. C'est de ce qu'on va parler que je ne sais plus. De ce qu'on parlait, ça va. Un crayon, tu vois, j'ai entendu qu'il y avait le même crayon. Ouais. Le cinquième point. Ah, voilà, le cinquième point, c'est ceci. Non, t'étais juste là, là. Et ici, c'est mieux. Ils ont mis un papier à terre. Ouais, c'est ici. Ah, c'est ça, t'as raison. Bon, t'es un petit peu. Okay. Amène le tableau. Ouais, j'ai pensé, là, mais. Ce n'est pas. Mais ça fait partie. Bon, c'est pas le. Ouais, OK. Ça fait partie du cinquième, puis ça fait partie du premier point. Chez l'être humain qui a traversé. Mais l'humain, pourquoi je le garde dans le cinquième? C'est parce que l'humain, dans ton état, peut poser la question. Si je comprends bien. Ça, c'est quelqu'un qui ne comprend rien, il dit ça, tu sais. Si je comprends bien. oh, c'est sérieux. Si je comprends bien. L'être humain qui ne souffre plus, il est heureux. On dit oui. Donc, il n'y arrive plus rien de mal. Ça n'a rien à voir. OK? Puis ça fait partie de bastions de mentalo-conceptualisation qui font en sorte que l'être humain continue à vivre une vie planétaire identique à celle des autres. Bon, 5. Ça veut dire que moi, si je me promène et que je suis parfait, je vois un accident automobile. Ah, mais quelqu'un qui est parfait, là, il n'aura pas d'accident. Il n'y aura pas d'accident automobile. Oui, il reste sa planète. Ça veut dire que je peux rentrer chez moi un soir et on a dévalisé ma maison. Mm-hmm. Ça n'empêchera pas un voleur de venir chez moi. Mm-hmm. Par contre, moi, je n'irai pas à la pêche. Je ne dirai pas, ah, ben maudit, ils ont dévalisé ma maison. Tabarnouche, youpi! Je peux pas voyer, tu sais. Moi, je vais rentrer dans la maison, puis je n'aurai pas de problème avec le vol de ma maison parce que je n'irai pas à la pêche, à la souffrance. Alors, c'est important de comprendre que l'individu qui est muté, actuellement dans les premiers temps, reste sur le contexte planétaire. Donc, il est assujetti aux mêmes événements que l'humain, mais il n'est plus assujetti au malheur humain. Puis ça va prendre beaucoup de temps avant que les gens puissent comprendre ce que je veux dire par là. Ça a l'air simple. Oui, ça va être demain. Plus rien à dire, là? Je reviens sur le. Sur quand que quelqu'un. Ah, je sais pas, il n'a pas compris. Le 2 ou le 1? Il n'est pas là. Quand quelqu'un, là. Je ne me rappelle pas de la question, là. Mais tu me touchais mon tête? Non. C'est parce que tu étais debout, là, quand j'ai eu la question. Oh, ben là. Je suis OK. Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un, à un moment donné, va être tout à fait intelligent ou tout à fait ne voudra absolument pas se nourrir de souffrance? Donne-moi un exemple. T'as vu ça où? T'as vu ça quand? Non, mais c'est à cause que tu as dit qu'à un moment donné, pouf, ça va arriver. OK, mais si on oublie ça pour l'instant, moi, je veux qu'on travaille avec ce qui se passe. Non, mais c'est parce que ça nous aiderait peut-être à comprendre comment y arriver. OK, mais ça ne t'aidera pas. Là, il faut, au départ, comprendre totalement ta nature et pas la comprendre théoriquement. C'est préférable de parler, de prendre des exemples. Essaie de démolir ce que je viens d'amener. C'est la meilleure façon de ne pas de le rencontrer. Bien, je peux pas parce que si je te dis qu'il y a quelqu'un qui veut être heureux, tu vas me dire non, c'est ça, il fuit l'intelligence. Continue. Il y a quelqu'un là-dedans. Continue. Prouve-moi que j'ai tort. T'as prouvé que t'as tort. Je sais bien que c'est impossible. Des exemples de gens qui veulent s'améliorer, des gens qui veulent le bonheur. Ben, moi j'en suis un exemple. Mais Thérésa, par exemple, c'est l'exemple pur de quelqu'un qui veut être heureux. Ben non, elle veut souffrir, voyons, ça c'est clair. Mais... Non, mais je m'essayais. Non, quand même, on n'est pas... On n'est pas inconscient à ce point-là. Pourquoi on en parlait dans les religions? Pourquoi les gens qui souffrent, c'est les gens qui sont adulés? Les martyrs des religions, ben, ça fait partie de la même chose, c'est évident. Puis là, je veux que vous compreniez, il n'y en a pas lui, pas elle, il n'y en a pas un ici qui veut améliorer son sort. Regarde Daniel. Il fuit l'intelligence, il trouve des trucs, là, après ça, ils font tout pour continuer à être dans la merde. Il n'y a pas grand monde ici, je parle, dans des murs ici, qui vénère une religion. Fait qui vénérait par ainsi dire tous les martyrs qui en font partie, là. Ça, c'est pas notre cas, ça, nous autres. D'accord. OK? Fait que déjà là, en partant, là, on... On est différent. Oui, puis différent d'un côté... Moi, on n'est pas mieux, on est différent. Ces concepts-là, quand on embarque dedans, l'intelligence vient nous approcher tout de suite, fait qu'on a décidé d'en prendre d'autres intelligences, ça nous laisse en paix. OK. Ça, jusque-là, on est d'accord. Au lieu d'être des pourris à gauche, on est des pourris à droite. Bon. Non, je suis pas d'accord avec ça, moi. On veut... On veut pas. Daniel, pourquoi faire d'abord que... Pour couper le contact avec l'intelligence. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi que je suis conscient à des moments donnés. Puis je veux pas que tu... Puis moi non plus, je comprends pas. C'est la preuve à ce que je dis, tout est possible. Bon. Mais je lâcherai pas quand même. Là, tu vas me dire, tu fais rien là-dedans. Je fais rien là-dedans. Fais attention, parce que... Je vais te mettre des... Fais attention à rien, en tout cas. Il y a de quoi qui ne marche pas. Il y a de quoi qui marche. Quoi qui marche? Qu'est-ce qui marche? J'ai raison. Oui, mais là, je suis vide, là. Tu sais, là. Pas le choix d'être vide. Si tu as raison, là. Parce que là, tu es rendu à un point que si tu veux commencer à te la remplir, là, il faut que tu te branches. Puis s'il faut que tu te branches, là, l'intelligence va te toucher. Puis si elle te touche, là, ça crée un esti de concept. Là, tu vas me le donner en question, on va te le démolir tout de suite. L'intelligence en descend un petit peu plus. Ah oui, mais là, si tu veux ton ego, il ne veut plus rien savoir. Là, le con, c'est vite, tu comprends. Si moi, je suis. On fait une pause. Mon petit, as-tu faim? N'importe quoi. Ben, à quoi ça sert? Il n'y a pas de à quoi c'est ça sert. Ça, je te dis, moi, là, finalement, c'est que... Parce que moi, j'aime bien... Ben là... c'est que... OK, vous autres, vous voulez quoi? Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que je me plais bien dans la vie. OK? Je veux pas mourir, là. Je veux pas de raison pour mourir. C'est évident que tu veux pas mourir. Parce que j'aime trop souffrir, c'est ben ça. Oui, c'est bien sûr. Ben oui, c'est bien évident. Mais... Parce que là, j'aimerais bien me faire geler, comme Walt Disney. Pour pouvoir voir fait que là, de souffrance et rail. Non, non, mais... rendez-moi conscient. Fait que là, j'aurais pas... je me créerai aucun concept. Ça, quand je serai prêt, ben là, dégelez-moi. C'est faux. Et si vous avez un exemple réel et parfait de ce que vous êtes tout le monde, vous comptez démontrer. T'as pas le choix de dire ça, Michel. T'as pas le choix parce que si tu le dis pas, l'intelligence, elle va descendre. Puis si elle descend... Ça descend, elle va te changer. Elle va me changer comment? Elle va te muter. Ben non, tu dis, ça, tout ce que ça va me faire aller plus vite dans la souffrance. Ça me mute pas, ça. Non, non, si l'intelligence, ça ne fait pas aller plus vite dans la souffrance. Ben oui, je veux pas l'avoir, je vais aller dans la souffrance. Je vais la contrecarrer pour mieux souffrir. Tu ne veux pas l'avoir parce qu'elle va t'amener à être heureux. Alors, le contact fait que tu engendres plein de concepts. Ces concepts-là, vous finissez, vous tout le monde, par penser que c'est ce que vous voulez faire, que c'est ce que vous êtes. Et malgré tout, vous continuez à agir comme ce que vous dites ne pas être. Puis le petit concept en haut, pourquoi tu penses que vous ne... Pourquoi pensez-vous que vous ne pouvez pas contrôler votre corps? Oui, mais moi, je veux le contrôler. Ça, là, c'est du bidon, ce qui vient d'être entendu là. C'est pas vrai. Ça, okay. c'est Daniel, le concept. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord là-dessus. Par exemple, le concept du bonheur. Je suis d'accord que c'est un être heureux, c'est un concept. C'est pas un concept. Personne ne veut être heureux. Un instant. C'est... C'est passé. Personne ne veut être heureux. T'as une minute, Daniel. C'est un concept, vouloir être heureux, ça fait partie de la spiritualité, où la spiritualité est à l'intérieur de ça. La spiritualité, qu'est-ce que c'est? Mais j'en suis, je suis d'accord. Qu'est-ce que la spiritualité? C'est un concept. Non. C'est le bouclier qui est créé par le mental pour empêcher l'intelligence de venir toucher l'humain. La spiritualité... coupe le contact avec l'intelligence. Okay, mais c'est pas ça que je veux parler. Bon, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord là-dessus que c'est un concept, le bonheur, c'est un concept, suite à un contact d'intelligence. Oui, mais moi, c'est pas OK? Une minute. C'est que, je veux finir ça, c'est que malgré que je suis d'accord avec ça, donc je suis conscient avec, là-dessus. Non. Oui. Non. Daniel, je le vois clairement que c'est un concept. T'as pas le mais choix, malgré t'as pas ça. Fait. Là, malgré ça, je veux quand même vivre heureux. C'est pas vrai. Tu ne peux pas dire d'autre chose que ce que tu dis là. C'est-à-dire qu'il y a deux concepts. Le concept d'être heureux, le concept de celui qui est conscient qu'il faut être heureux, mais que malgré ça, c'est de la manipulation. Puis là, il va encore être heureux, c'est un autre concept. Non. C'est que ce qui arrive là, c'est qu'à un moment donné, ton mental, il est obligé de venir colorer ton ego, comme ton ego colore le mental au niveau de ta parole. Puis présentement, le mental, il sert à créer le bouclier. Ce bouclier-là, doit être, il est parfait, il est puissant. Le bouclier, c'est les religions, pour commencer. Non, je le okay? vois, là, même les religions, pour commencer. Alors, quelqu'un, moi, je veux dire à un religieux, « Oui, mais si Dieu n'existe pas, il existe! » Puis, je le sais! Il ne peut pas dire, il ne peut même pas dire, peut-être, ça n'existe pas. Son bouclier l'empêche, je le dis. Il ne peut pas le dire. OK? Il ne peut pas. Bon, à un moment donné, le bouclier, là, il finit par être trop faible pour le nouveau contact avec l'intelligence. Alors, on va développer un bouclier plus grand. Ça reste dans la mécanique des concepts. Moi, ce que j'amène là, c'est... Il n'y a plus rien après ça, au niveau de l'humain. OK. Là, ce qui arrive, c'est que toi, tu vas dire, « Oui, mais moi, je veux être heureux. » Autant que le prêtre, que le n'importe qui d'autre. Mère Teresa va te jurer qu'elle veut être heureuse. Jamais elle va pouvoir dire qu'elle veut être heureuse. Mais ils ne font rien pour l'être, en tout cas, comparé à moi. Ça, c'est sûr. Toi, tu ne fais rien pour être heureux non plus. Tu fais tout pour couper le contact. Non. Si tu me compares aux autres, là... Non. Tu vas aller à la pêche. C'est clair pour moi que plusieurs personnes qui veulent être heureux, puis ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas être heureux. Ça, c'est clair. Mais là, moi qui vois ça, là, c'est pas une question, bon, ça n'a rien à voir avec le mérite, là, mais moi, je vois ça, là, puis là, je vois tout ce qui se passe. Puis malgré ça, moi, je veux être heureux. Mais je sais, je suis pas dans. Si je suis dans la même. Je suis pas dans la même affaire qu'eux autres. OK. T'es pas dans la même affaire qu'eux autres. Peut-être. Tu veux pas plus être heureux, puis tu feras rien pour l'être non plus, mais t'es pas dans la même affaire qu'eux autres. C'est pas vrai que je fais pas rien pour l'être. Oui. La seule différence entre toi et eux autres, c'est que tu as tellement de contact avec l'intelligence que tu es sans arrêt obligé de tasser pour fermer la gueule à l'intelligence. Puis eux autres, ils font ça une fois par vie, puis on verra. Que toi, faut que tu le fasses une fois par semaine. Fait que c'est évident que les choses s'améliorent. Puis là, évidemment, le concept va dire « Ouais, l'intelligence, Christy, lâche-moi un peu, je m'améliore. » L'intelligence, elle, tu t'améliores pas, tu me fuis. Puis la seule place où tu peux fuir l'intelligence, c'est vers l'intelligence. Bon. Ben, il faudrait revenir là-dessus. Là. Ben, c'est ça qu'on va voir. Ça, c'est une fin. Thank you.